Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission d'expérimentation sonore et de musique merveilleuse, indomptable parfois, heureux de vous retrouver ce soir pour une prochaine heure en bonne compagnie. Ce que je trouve fascinant dans le monde des arts sonores, c'est la variété des univers sonores, mais aussi cette propension des artistes à puiser à même toute la culture de la musique, qu'elle soit classique, marginale ou expérimentale. Les instruments de musique, par exemple, sont exploités d'un bout à l'autre du spectre, l'exploration allant des instruments les plus novateurs aux instruments traditionnels, parfois même les instruments anciens. L'artiste que je vous propose ce soir s'appelle Sara Davici. Elle est d'origine persane, mais canadienne, née à Calgary. Elle s'adonne depuis quelques années maintenant à la création musicale et sonore à partir de l'orgue à tuyaux, un instrument qui jouit d'un regain de popularité auprès des artistes sonores. Si on pense, par exemple, à Robert Kurgenven, l'Australien Cali Malone, ou encore Jocelyn Robert, plus près de nous. Dans une entrevue qu'elle donnait au journal Le Devoir il y a quelques années, Sara Davici raconte que l'orgue demeure pour elle le synthétiseur originel. Faut donc pas s'étonner que son travail de composition exploite le potentiel des synthétiseurs analogiques, des synthétiseurs vintage, l'orgue, évidemment, et de nombreux instruments acoustiques. À propos de son style, on dit qu'elle aborde le drone avec un sens assez inédit de la mélodie, sans jamais verser dans la facilité, et qu'elle serait, dit-on, Sara Davici, cette chose la plus proche que nous ayons d'un hybride d'Eliane Radigue et de Terry Riley. Toute une combinaison tout de même. Alors, ça met la table, évidemment, pour l'écoute de pièces issues de son premier album complet, intitulé Baron's Court, sorti en 2015. L'album présente une combinaison d'effets sonores en performance live, le tout réalisé avec des synthétiseurs vintage, genre Boucla 200, un harmonium, un violoncelle et divers instruments. Alors, on écoute un titre intitulé Héliotrope. Alors, on poursuit sur Sarah Da Vinci. C'est une jeune, toute jeune artiste née en 87 à Calgary. D'abord pianiste et compositrice de musique électronique et électroacoustique. Elle est diplômée de l'Université de Calgary et détient une maîtrise en musique électronique et support d'enregistrement du Mills College à Oakland, en Californie. Elle a résidé à Vancouver et à Montréal. Elle s'est d'ailleurs produite au festival Mutech, c'était en 2016, avant de déménager à Los Angeles en 2017 pour faire un doctorat en musicologie. Je vous propose qu'on écoute maintenant deux très belles créations tirées d'un album intitulé All My Circles Run. Il s'agit d'œuvres composées et interprétées par Sarah Da Vinci au piano et à l'orgue, Camille Heskett à la voix, Jessica Holmes au violoncelle et Jessica Moss, qu'on a déjà entendu à l'émission au violon, le tout enregistré à Montréal en 2015. On va écouter une première pièce intitulée Four Voices. Ça trace, dit-on, un parcours quasiment céleste, alors que des voix sans parole vont et viennent comme des vagues très lentes. On écoute ça. Thank you. Comme l'ont noté de nombreux commentateurs, l'album All My Circles Run de Sarah Davici mise essentiellement sur l'exploitation d'une instrumentation traditionnelle. Les synthés sont absents, certes, mais les sonorités évoquent étonnamment, dit-on, les travaux d'Eliane Radigue, de Laurie Spiegel et même de Pauline Oliveros. All My Circles Run, c'est le quatrième album de Sarah Davici. Comment dire, la particularité de cet album repose sur l'idée d'associer chaque composition à un instrument, tantôt les cordes, tantôt la voix, l'orgue et le piano. Je vous propose donc la pièce intitulée For Organ. C'est une longue tonalité de drone mélancolique, une création qui résume, je dirais, la démarche minimaliste et surtout méditative de Sarah Davici. Voilà, ça complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres sur les ondes de CKRL 89.1. On poursuit ça en prochaine demi-heure avec les œuvres sonores de Sarah Davici. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. La Croche-Oreille avec vous jusqu'à 22h. Je vous propose ce soir des créations sonores de l'artiste Sarah Davici, une jeune compositrice de Calgary qui est particulièrement douée. Sarah, qui a développé au fil des dernières années un travail de composition électro-acoustique à partir du synthétiseur analogique, pour s'intéresser ensuite au potentiel sonore des grands orgues à tuyaux. On dit donc que sa démarche cherche à captiver notre univers auditif intime, utilisant des sonorités de longue durée, des structures harmoniques qui mettent en valeur une variété de textures sonores visant à créer des effets sur les sens en général, évidemment, mais surtout sur l'ouïe en particulier. L'instrumentation qu'elle emploie est variée. On pense au piano, les échantillonneurs en boucle, les synthétiseurs analogiques, évidemment la voix, les cordes et les claviers d'origine occidentale. L'orgue électrique ainsi que l'orgue à tuyaux et à hanches en font évidemment partie. Inspirée notamment par les approches minimalistes des années 60-70, Sarah Davici mixe des tonalités qui, vous allez le voir, nous semblent à la fois familières et à la fois étrangères. Dans cette veine, je vous propose qu'on écoute une pièce, ça s'intitule Midland. C'est tiré d'un album récent intitulé, lui, Cantus Descent. C'est sorti en septembre 2020, un album qui a été enregistré sur 6 orgues à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, dont un orgue à tuyaux de Casavant Frères, ça date de 1964, que l'on retrouve à la Pacific Spirit United Church de Vancouver. Dans une entrevue récente, Sarah Davici s'est à la fois confiée sur sa descendance persane, sur ses expériences musicales dans les cathédrales et son grand intérêt pour la mémoire collective. Elle raconte, entre autres, comment un boulot de guide et d'archiviste durant une dizaine d'années au Centre national de musique de Calgary l'ont amenée à développer un intérêt pour les instruments individuels et notamment pour les orgues de la Renaissance en particulier. Pas très versée sur les religions, dit-elle, elle avoue qu'elle ne serait jamais entrée par elle-même dans une église et que son passage dans ce musée s'est avéré un hasard vraiment génial. Et là, j'ouvre les guillemets, elle dit « C'est en travaillant dans ce musée que je suis entrée très tôt en contact avec les synthétiseurs, les orgues, les oscillateurs. » Et comme j'étais pianiste, la découverte de ces autres instruments, ces autres types de claviers, le Hammond B3, la boucle à 100, l'orgue à hanches et à tuyaux, eh bien tout ça m'a fait dériver de ce côté. Alors on écoute une pièce intitulée Perfumes 3, c'est tiré de l'album Pale Bloom. Thank you. Alors, on vient d'entendre cette création intitulée Perfume 3, c'est tiré de l'album Pale Bloom. On dit de cet album qu'il met en valeur le romantisme latent de Davichi, un romantisme proche de certains compositeurs d'avant-garde, tels LaMonte Young, Terry Riley, et on l'a noté plus tôt, Eliane Radig. Bien que sa carrière soit toute jeune, Sara Davichi a fait de nombreuses tournées à travers le monde et partagé la scène avec de nombreux artistes et ensemble. Elle a aussi collaboré avec William Basinski, le Quatuor Bosini, le London Contemporary Orchestra, Donald Boucla, Suzanne Ciani, le BBC Scottish Symphony Orchestra, Jessica Moss, Aaron Dilloway, et évidemment, j'en passe de très nombreux. Elle a en outre effectué des résidences d'artistes au BAM Center en Alberta, au National Music Center de Calgary, chez Oboro, ici à Montréal, au MES de Melbourne en Australie, et encore là, j'en passe de nombreux. Comme je l'ai mentionné en début d'émission, Sara Davichi est actuellement doctorante en musicologie à UCLA sur des questions touchant l'univers sonore de l'orgue. Notamment. Pour clore l'émission ce soir, je vous propose qu'on écoute ensemble l'extrait d'une pièce tirée de l'album Pale Bloom. C'est une pièce qui s'intitule « If it pleased me to appear to you wrapped in this drapery ». Long titre, belle pièce, on écoute ça. Voilà, ainsi s'achève l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Sarah Davici et de ses principaux travaux réunis autour des albums Pale Bloom, Cantus, Descent, All My Circles Run et Baron's Court, des albums que vous pourrez acquérir ou réécouter sur les plateformes numériques sur le web. Alors voilà, grand merci à Sarah Davici de nous avoir permis de diffuser ses œuvres et je lui fais mes salutations amicales du Québec. Alors, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Quant à moi, je vous reviens la semaine prochaine, dimanche, 21h, sur les ondes de CKRL. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.